Donc, 2 Pierre, chapitre 3. Et on va résumer un petit peu ce qu'on a vu. Et la semaine passée, on a commencé à parler du retour du Seigneur. Dans l'épître de Pierre, c'est des faux prophètes qui harcelaient l'Église, disant à l'Église qu'il n'y en aura pas de retour du Seigneur. Que c'était des belles paroles, hein, c'était bien beau, mais ça n'arrivera jamais. Donc l'apôtre Pierre, comme tout bon père spirituel, veut aider ses enfants, ces chrétiens-là. On ne sait pas à quel point ils étaient avancés dans la foi, ou qu'ils étaient vieux chrétiens ou jeunes chrétiens, on ne sait pas trop. Mais une chose est certaine, c'est qu'il leur manque de connaissances face au retour du Seigneur. Et on a commencé à voir la semaine passée que la connaissance face au retour du Seigneur nous donne de la patience pour l'attendre. Okay? Donc, plus ma connaissance va être exacte du retour du Seigneur, plus ça va être développé, plus je vais la comprendre mieux, plus ça va me donner de la patience pour attendre. Et on voit dans les Écritures que quand les chrétiens ont manque de connaissance, quand ils se posent des questions, qu'ils sont inquiètes, qu'ils ne comprennent pas, ils commencent à douter, puis commencent à avoir des difficultés dans leur vie chrétienne. Se mettre en doute même que le Seigneur pourrait peut-être revenir. Vous pensez que les chrétiens ne peuvent pas douter du retour du Seigneur? Mais je vous dis que oui, ça arrive. Les chrétiens, depuis 30 ans, j'en ai rencontré plusieurs, qui, dans leur vie chrétienne, dans certains moments de difficultés, de difficultés spirituelles, de difficultés morales, se posent la question, qu'est-ce que le Seigneur... Pourquoi il ne revient pas? Pourquoi ça prend si de temps? Ça fait 2000 ans. Il me semble que on en parle, mais ce n'est pas jamais rien. Donc, c'est des grandes questions. Surtout, ce que j'ai trouvé que ceux qui avaient le plus de difficultés, c'est ceux qui ils ont mis le retour du Seigneur à un certain moment donné. Ils pensaient que ça viendrait. Moi, j'ai vu des chrétiens attendre le Seigneur pour les années 90, 91, 92. Là, c'était là. Là, ça passe. On est rendu à 95, et là, il plante. C'est comme s'il avait été soutenu par une adrénaline spirituelle pendant un certain temps, puis là, ouh, il plante. Parce que s'était fait des idées par rapport au retour du Seigneur, il était convaincu que ça arriverait comme ça, et là, ça manque, et là, il se décourage, il y a de la misère. Donc, il faut que notre connaissance du retour du Seigneur soit le plus exact possible, et automatiquement, c'est ça qui va nous aider à la persévérance dans la foi. Et ici, ce qu'on regarde depuis la semaine passée et cette semaine, le mot patience, ce n'est pas la patience dans le trafic, ce n'est pas la patience avec nos enfants, c'est la patience avec le Seigneur, attendre le Seigneur. Et la Bible est claire à plusieurs reprises, ceux qui perdent cette espérance-là, perdent aussi la foi et n'attendent plus le retour du Seigneur, puis abandonne la foi. Souvent, c'est ça qui arrive. Quand tu perds cette espérance-là, tu ne crois plus qu'il revient. C'est pas juste que tu... Je dis pas qu'on ne peut pas avoir des difficultés, se poser des questions. Oui, mais règle générale, le chrétien va persévérer là-dedans jusqu'à temps que le Seigneur vienne le chercher. Parce que dans le fond, si on ne croit plus qu'il revient, on le fait de lui un menteur parce qu'il a dit qu'il reviendrait. Ici, il est menteur, mais là, qu'est-ce qu'il nous dit que le restant qu'il a dit n'était pas aussi des mensonges? Hein? Et là, ça remet en question toute notre foi, toute la déclaration de l'Évangile, qui qu'il était lui. Donc, c'est vraiment important de s'arrêter. Je me souviens, il y a quelques années, après un tournoi de badminton, on s'est ramassé ensemble, une gang, dans un restaurant, puis on est allé prendre un café, manger un petit quelque chose. Et quelqu'un a soulevé la question du retour du Seigneur. Parce que dans les jours qui avaient précédé, il y avait des témoins de Jéhovah qui étaient allés à cogner à sa porte et qui avaient parlé du retour du Seigneur, de la fin du monde. Il n'a pas appelé ça le retour du Seigneur, il a appelé ça la fin du monde. Et là, il y a quelqu'un qui a levé ça puis qui a commencé à parler de la fin du monde. Et on était à peu près 10-12 à l'entour de la table. Puis là, le bordel a commencé. Le fou foral, le monde se roulait quasiment à terre. Parce que pour eux autres, c'était impossible. C'était idiot, c'était non scientifique, c'était, en tout cas, tout ce que vous voulez sortir, ça ne se pouvait pas que le monde ait une fin. Ça ne pouvait pas que le monde... Mais, puis surtout pas que Dieu amènerait une fin. Qu'une bombe atomique sauterait, oui. Qu'une comète frapperait la Terre, peut-être, mais pas une fin du monde contrôlée et emmenée par un dieu. Donc, dans la tête des gens, règle générale, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui ne peut pas être vraiment vrai comme tel. Donc, c'est vraiment, quand nous, on parle qu'il y a une fin à ce monde, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des petites réactions autour de nous qui vont être plus ou moins cocasses pour cela. Je vais faire un commentaire. Oui. J'avais une dame que j'avais parlé comme ça. Puis elle dit, tu crois-tu vraiment à ça? C'est ça. J'ai dit, moi, j'y crois. Elle dit, moi, je pense pas, j'y crois. J'ai dit, d'un aïe ou d'un autre, chacun va frapper la fin de son monde à lui. Puis, faut être prêt à ce moment-là. Si tu crois pas qu'il va y avoir une fin universelle, mais tu vas frapper la fin de ton monde, c'est sûr. Elle dit, oui, c'est vrai. C'est certain. Donc, il y a une. On n'a qu'une fin à nous autres. Hein. Au moins, ça, tout le monde le croit, ça, encore. Jusqu'à date, en tout cas. Il y en a gros qui espèrent que ça n'arrivera pas, mais tout le monde le croit que chacun a une fin. Et. Ça a fait un peu un choc quand j'ai dit ça, par exemple. Elle était comme, oh, c'est vrai. C'est certain que les gens, des fois, c'est comme. Je pense qu'on avait parlé il n'y a pas tellement longtemps. C'était à l'école, je parlais de ça avec une dame, que pour l'être humain, c'est pas dans sa nature de croire qu'il va mourir. C'est une révolte intérieure, la mort, parce qu'on n'a pas été créé pour mourir. Donc, quand on parle de mort, l'être humain réagit très, très fort, très négatif, parce que on dirait qu'en nous, dans l'être humain, c'est pour ça que les êtres humains s'inventent d'autres vies après la mort, s'inventent d'autres religions, d'autres façons de faire les choses, parce qu'il n'est pas capable de concevoir qu'il va arrêter de fonctionner. Et comme, de la même façon qu'il n'est pas capable de concevoir que lui, il va avoir une fin, malgré que tout le monde voit qu'on meurt, mais on se révolte contre ça. Et donc, il y a de la misère à concevoir que le monde aussi va arrêter. Automatiquement, ça se transpose de même. Et c'est normal jusqu'à certains points parce que l'être humain n'avait pas été créé pour mourir. Et le monde n'a pas été créé pour être détruit non plus. Dieu avait créé le monde pour qu'il soit éternel. Le péché est entré dans le monde, et ça a fait toute la question. Donc, quand les gens nous parlent de la fin du monde, c'est intéressant de leur dire ça, que c'est normal que tu aies de la misère à concevoir la fin du monde, parce que le monde n'a pas été créé pour avoir une fin. C'est à cause du péché qu'il va avoir une fin. Et que là, si on enlève le péché, il n'y aurait plus de fin. Et Jésus est venu enlever le péché. Donc on peut ramener l'Évangile avec ça dans ce sens-là. Donc, et là, ils ont une certaine point d'interrogation de dire, ah, je n'avais jamais entendu dire que l'homme n'était pas supposé mourir. Parce que dans leur tête, tout le monde meurt, donc, mais on n'a pas été créé pour mourir, on a été créé éternel. C'est le péché qui a mis la mort, donc, dans ce sens-là. Mais ici, on va voir que l'apôtre Paul donne à ces chrétiens-là, excusez, Pierre. Pierre, je suis toujours en train de me tromper avec Pierre et Paul. Pierre, parce que j'ai enseigné bien plus souvent Paul que Pierre. Pierre a juste deux petits livres, puis Paul, il y en a des dizaines. Donc, on va voir comment est-ce que Pierre va essayer de faire pour leur donner une meilleure connaissance du retour du Seigneur, afin qu'ils puissent faire face aux faux prophètes qui disent qu'il n'y en aura pas, de la fin du monde ou du retour du Seigneur. Et en même temps, vu que Pierre leur a dit ça à eux, ça nous a été transmis par les Écritures, donc ça devient pour nous autres aussi une instruction pour qu'on puisse faire face à toutes ces choses qu'on entend autour de nous, qu'on entend dans les écoles, qu'on entend à la télévision, que le monde n'aura pas de fin amené par Dieu, mais s'il y en a une, c'est parce que c'est une catastrophe qui va arriver. Donc, la première chose que l'apôtre Pierre leur a dit, là, je vais résumer un petit peu, versets 1 et 2, il leur dit que la source de la connaissance concernant la fin du monde ou le retour du Seigneur vient des prophètes. Il dit ça, soit versets 1 et 2. Il dit, voici bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les prophètes. Donc, Pierre, il dit, c'est pas moi qui ai commencé à en parler, les prophètes en parlaient avant. Les prophètes en ont parlé avant que Jésus vienne sur la terre. Daniel, Ézéchiel, Isaïe ont tous parlé de cette fin du monde-là. Pas avec autant de détails que Jésus, encore moins de détails que l'Apocalypse comme tel, le livre qui a mis encore plus de détails, mais ce n'était pas quelque chose de nouveau. Si tu parlais aux Juifs que le monde aurait une fin, ce n'était pas pour eux autres quelque chose de surprenant, parce que dans leur éducation, dans leur enseignement religieux, ils avaient entendu parler de ça, de ces choses-là. Donc, il dit, les prophètes en ont parlé. Puis là, il dit, ensuite ça, d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc, il dit, les prophètes en ont parlé, Jésus en a parlé et les apôtres en ont parlé. Donc, ce que je vous dis là, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose que j'invente. Jésus en a parlé pendant qu'il était sur la terre. Et si vous parlez, vous avez tous déjà lu les quatre évangiles, les quatre auteurs des évangiles, prennent un ou deux chapitres pour parler du retour du Seigneur. Ou est-ce qu'ils racontent ou écrivent un discours que le Seigneur a donné par rapport à ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Là, Pierre est en train de leur dire, ces gens-là qui vous disent que ça n'arrivera pas, ben, ils sont en train de dire que Jésus n'en a pas parlé ou que Jésus est un menteur. Donc, faites attention, c'est parce que c'est pas jamais nous qui sommes mis en cause. C'est pas l'Église baptiste qui est mis en cause. C'est Jésus qui est mis en cause. Quand on dit que quelque chose n'est pas vrai, on dit que Jésus a dit quelque chose qui était faux. Si je sais que c'est faux, ben on est fait, on n'est pas sauvé parce que Jésus est un menteur, c'est menteur, il est pécheur, c'est pécheur, il ne peut pas me sauver. Donc, c'est toute une déduction, là, mais c'est la réalité quand même. Donc, il dit, ça c'est la première chose. Donc, il dit, si vous voulez savoir hein, comment, par rapport au retour du Seigneur ou par rapport à la fin du monde, la meilleure place à aller, c'est dans les Écritures parce que c'est là qu'on en parle. Je me souviens une fois, j'avais été rencontrer une femme qui tirait la bonne aventure. Parce qu'on était, nous autres, on avait un kiosque sur un terrain, kiosque de l'église baptiste à Victoriville, puis pas loin, il y avait une femme qui avait un kiosque pour tirer l'aventure. Puis je suis allé la voir, puis elle disait, j'avais dit, ben moi, pas la révélation, mais j'avais dit ça, connaître l'avenir, j'ai dit, j'ai un livre, moi, qui révèle l'avenir. Puis j'ai dit, c'est les Écritures. Les Écritures nous disent comment le monde va finir. Et ben, elle dit, ouais, mais toi, tu crées. Moi, elle m'avait répondu, toi, tu travailles pour Dieu, moi, je travaille pour le diable, c'est correct. C'était pas correct, mais pour elle, elle savait. Elle dit, moi, je travaille pour le diable, je sais, c'est ça. Et puis elle dit, toi, tu travailles pour Dieu. Donc, elle dit, on s'entendra pas certain. Parce que les gens, souvent, les gens qui font ça, il y en a qui sont peut-être pas conscients, mais bien souvent, ils sont conscients qu'ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu. Une fois, je donnais un cours à une femme, sa mère et sa grand-mère. Les trois générations faisaient un cours ensemble. Et la mère tirait la bonne aventure, tirait les cartes, elle disait l'avenir. À un moment donné, on s'est jasé ensemble. Je lui ai demandé, es-tu vraiment capable de dire aux gens leur avenir? Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Elle dit, voyons, je ne suis pas de bon Dieu, je ne peux pas savoir ça. Je dis, pourtant, vous les faites payer pour leur dire l'avenir. Ouais, mais on leur dit un peu ce qu'ils veulent entendre. Hein. Elle dit, je sais bien que je ne connais pas l'avenir. Voyons, non, je ne suis pas le bon Dieu. Mais, donc, pour nous autres, quand on veut savoir l'avenir, on va dans les Écritures. On va dans les Écritures et les Écritures vont nous dire comment le monde va finir. Et quand, pas juste comment le monde matériel va finir, mais comment nous, on va finir aussi, parce que c'est important pour nous autres, comment nous, on va finir en tant qu'Église, puis en tant qu'individu, comment est-ce que ça va terminer notre affaire, OK? Deuxièmement, on a vu la semaine passée que la connaissance nécessaire face à la date, on a vu ça verset 8 à 10, qu'il y avait une grosse question, là, les faux prophètes disaient, ça fait longtemps qu'il dit qu'il reviendrait, ben, ça faisait pas longtemps, ça faisait juste 30-40 ans, imaginez de mettre à l'adon aujourd'hui, à cette heure, 2000 ans après, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, gang de malade, ça fait 2000 ans, puis il n'est même pas revenu. Mais on a vu ensemble que le temps pour Dieu, le temps pour nous, c'est deux choses différentes. Dieu n'a pas de temps. Dieu vit en dehors du temps. Nous, on a des montres partout, on a des cadrans partout. On est pogné avec le temps. Une fois, j'ai compté comment est-ce qu'on avait de cadrans dans notre maison, des horloges. 13. On est deux. On est deux, puis on est deux étages. On a 13. poêle, micro-ondes, après la main, après la cafetière, après la télévision, au-dessus de la télévision, après la vidéo, puis après, il y en a partout des horloges, hein, puis je descends en bas, il y en a dans mon bureau, il y en a sur mon ordinateur, il y en a partout, dans l'auto, il y en a partout. Ça nous dit quelque chose en tant que société. On est pogné avec le temps. Le temps nous oblige à fonctionner. Je travaille à telle heure, j'arrête à telle heure, je commence à telle heure, ce bus passe. On est pogné avec le temps. Pour nous autres, le temps, c'est très important. Pour Dieu, ça n'existe pas. Il dit un jour est comme mille ans, et mille ans est comme un jour. Donc, il faut faire attention que quand on parle du retour du Seigneur, la question du temps, oui, ben, moi je vous dis la meilleure chose, la meilleure façon de voir pour nous autres, les chrétiens, toujours, entre la promesse du Messie et le Messie. Mm-hmm. Entre l'annonce, la venue du Messie, et que le Messie est venu, Jésus, 4000 qu'on dit à peu près. Pourtant, les gens l'attendaient là. Pourtant, il s'est passé 4000 ans, ou à peu près, peu importe. Fait, quand il dit, Jésus dit, je reviens, 2000 ans, c'est juste la moitié de ce qui s'est passé avant. Là, là. Donc, c'est, pour eux autres, il semble que le temps ne s'analyse pas de la même manière que nous. Pour nous autres. Hein. Puis quand vous voyez un mot proche, ou bientôt, faites attention parce que dans la langue originale, le mot a une connotation de rapidement, ou de subitement, ou de ça va se faire de façon. Ça va venir vite, inattendu, mais dans le sens qu'il y a une connotation de vitesse. Ça va pas. Écoute, ça va être commencé, ça va aller vite. Ça ne va pas traîner un autre 2000 ans. Mais quand ça va commencer, ça va aller vite. Il y a une connotation de, pas juste que dans le temps, mais dans la vitesse que ça va aller, mais que ça se fasse. Hein. Ben, dans ce sens-là. Mais Pierre, ici, lui, il fait sortir quoi? Ben, c'est pour Dieu, un jour est comme mille ans, et mille ans est comme un jour. Donc, il fait juste ressortir. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Quand les gens vous amènent des arguments comme de quoi le retour du Seigneur, ça prend du temps, dites-leur que pour Dieu, c'est pas, il n'y a pas d'importance dans ce sens-là. Là, je ne me souviens pas si on a fait l'autre point après la semaine passée. Je ne me souviens pas. Pourquoi il va venir maintenant? Pourquoi c'est important qu'il vienne? Je ne pense pas qu'on a vu ça. Hein? On va lire verset 7. Mais par la même parole, les cieux de la terre, à présent, sont gardés et réservés par le feu, pour le jugement et la ruine des hommes impies. Bon, on a vu ça la semaine passée. Que la raison qu'il va venir, c'est pour un jugement. Il va juger ceux qui n'ont pas voulu croire, n'ont pas voulu se convertir, n'ont pas voulu servir Dieu. Donc, ils vont subir un jugement, ils vont subir une destruction, une ruine qui va venir sur eux autres. Donc, c'est pour ça qu'il vient. Il va venir détruire ceux qui n'ont pas voulu croire. Mais il ne va pas juste détruire, il va aussi construire, parce qu'au verset 13, on l'a vu ensemble, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Ok, donc, il dit qu'il vient pour détruire et reconstruire. On a vu ça qu'il a détruit par l'eau. Hein? On a vu ça ensemble, que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il y en avait déjà eu une destruction du monde, des déluges. Le monde d'alors a été détruit par l'eau. Pierre, il dit, ça ne devrait pas vous surprendre de dire que Dieu va détruire encore une fois la terre. Il l'a déjà détruit une fois par l'eau, mais cette fois-ci, ça va être par le feu. Donc, il dit, c'est pas nouveau, c'est pas surprenant que Dieu va détruire. Puis, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui s'objectent à la fin du monde parce qu'ils croient que Dieu est comme trop bon. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas détruire le monde comme ça. Mais la seule façon que. Mais la meilleure façon de leur dire, c'est de leur faire réaliser qu'il l'a déjà fait par le déluge. Et Sodome et Gomorrhe, c'est des choses qu'on peut donner comme exemple. Ou l'Égypte, quand il a quasiment tout détruit l'Égypte par les 10 plaies. Donc, pour nous autres, ça semble dur. Ça semble dur, quelqu'un qui va détruire des peuples entiers. Parce que dans notre tête, on a de la misère avec la guerre. Puis la guerre, c'est très négatif. Puis la destruction. Mais Dieu dit que moi, je vais le faire. Je l'ai déjà fait, puis je vais le faire encore. Et le but de passer le feu, c'est la destruction, c'est le jugement Et le feu est un signe de destruction, c'est un signe de purification, dans les Écritures souvent. Donc, il va, on chauffe souvent les choses, on fait bouillir les choses pour enlever les impuretés. Là, le feu va se faire, il va tout détruire et il va en faire des nouveaux. Là, il y a tout un débat avec différents mouvements religieux. Ça veut dire quoi? Détruire la terre? Ça va-tu disparaître? Ça va-tu comme devenir néant puis il va repartir à zéro? Ou s'il va renouveler la terre qu'il y a là? Ou juste nettoyer? Il y a tout un débat là-dessus. Surtout avec les témoins de Jéhovah qui ont ce gros débat-là. Les témoins de Jéhovah, ils vont sortir des versets de l'Ancien Testament en disant que la terre est éternelle. Que la terre va toujours subsister. C'est ça. Il va juste comme avoir une purification. Ben, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'il va. Le feu est pour détruire les impies, et pour détruire les, ceux qui n'ont pas pu croire. Donc, et puis, c'est pour enlever toute trace du péché. Il va purifier tout ça. Donc, j'ai dit, si toi, tu as du péché en toi, ben, tu vas partir aussi. Tu vas être détruit aussi, tu vas être brûlé aussi. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Le but, c'est ça, c'est de la purification. Le but, c'est pas de faire brûler les feuilles mortes en automne, c'est pas ça, c'est pas dans, c'est de purifier la terre du péché comme tel. Donc si toi, tu as du péché en toi, mais il va t'enlever. Je me souviens une fois, il y a une dame qui m'avait dit, François, elle dit pourquoi? Elle dit, Dieu enlève pas le mal sur la terre. T'sais, pourquoi il fait pas mourir les tueurs, les violeurs, les meurtriers, les Hitler, tu sais, ces affaires-là. Elle dit, Dieu devrait enlever tous les méchants sur la terre. Puis j'avais répondu, madame, voulez-vous qu'il commence par vous? C'est qu'elle dit. Elle dit, voyons donc, je suis pas méchant. Tu vois-tu, c'est méchant, c'est tout le monde. Ouais. J'ai dit, madame, j'ai dit, la Bible nous dit que Dieu va le faire ce que vous voulez, Dieu va le faire. Un jour, Dieu va enlever tout ce qui est méchant sur la terre. Mais dit, l'important, c'est de savoir, est-ce que vous êtes dans la gang ou non, vous n'êtes pas dans la gang? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va le faire. Il va enlever tout ce qui est mal sur la terre. Donc, il faut être certain que nous, on ne va pas être enlevés, là, comme ça. Donc, c'est les gens ont de la difficulté avec le fait que Dieu va amener une fin du monde, puis il va détruire tout ça, parce qu'ils ne croient pas que c'est juste de faire ça. Ils ne croient pas que c'est juste. Ils croient que Dieu, il ne fera pas ça. La lecture de l'Ancien Testament, on voit comment Dieu procède pas surprenant. Non, mais beaucoup de gens qui, surtout les gens qui ne sont pas croyants, quand ils commencent à lire l'Ancien Testament, là, habituellement, ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. Ils arrêtent vite. Ils sont traumatisés par ça. Ils voient le déluge, ils voient tout ça, mais ils voient des choses. Puis il y a un monsieur Grignon, tu te souviens? Monsieur Grignon, lui, c'est un gars dans l'Abitibi, il a commencé à lire la Bible pendant l'Ancien Testament. Puis plus il lisait l'Ancien Testament, plus il paniquait. Il disait... Puis là, il voyait que Dieu était pour le détruire, puis il était méchant, puis il dit, je suis un pécheur, puis Dieu détruit les pécheurs. Puis là, il était tout paniqué, puis là, Dieu, dans sa grâce, l'a fait rencontrer un chrétien pendant cette période-là de sa vie, puis s'est converti. Donc, Dieu l'avait préparé par l'Ancien Testament, parce qu'il voyait que la destruction était pour arriver parce qu'il était pécheur. Donc, tu sais, des fois, les gens peuvent réagir d'une bonne façon, tu sais, si Dieu l'utilise pour les convaincre. Mais c'était intéressant. Donc, on est rendu au verset 11, si on veut finir la soirée, on va se mettre y aller. On a au verset 11 pour ce soir, jusqu'au verset 18, donc il nous reste ces versets-là. Puisque tout cela est en voie de dissolution, ceux qui ont d'autres Bibles, c'est quoi ce que vous avez comme mot, là? Dissolution. La Bible sommaire dit désagrégé. OK, la Bible en français courant dit disparaître, se dissoudre. Quand on dit que il va se désagréger, il va se dissoudre. C'est, quand on met de la poudre dans l'eau, elle se dissout, ça veut dire qu'elle disparaît. Hein? Les choses sont appelées à disparaître. Hein? Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé, frère Paul, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, ce que l'apôtre Paul parle à partir du verset 11, c'est quelles devraient être les occupations des croyants en attendant ces choses-là? Qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, en attendant ces choses-là? C'est ce qu'il leur parle dans les derniers versets. Dans les autres chapitres, il leur a dit donner des points de vue doctrinaux pour les aider à faire face aux faux prophètes. Mais là, maintenant, ça va de façon personnelle, puis il dit, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce que les chrétiens devraient faire en attendant que ces choses-là arrivent, en attendant qu'ils viennent par le feu, détruisent tout ça, et qu'ils en mettent des nouveaux avec les, sur lesquels on va vivre avec, avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 11. On doit avoir une conduite irréprochable ou sainte. Votre piété doit être sainte. Conduite et piété doivent être saintes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut-tu dire que les chrétiens doivent maintenant avoir une vie sans péché? On n'est pas capable. On n'est pas capable, on est dans la misère, hein? Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Je ne crois pas qu'il est en train de dire d'éliminer le péché de nos vies. Mais une vie, une conduite et une piété qui est sainte, ce n'est pas nous dans notre tête de catholique, là, souvent dans notre tête de gens qui viennent d'arrière-plan religieux. Quand on pense saint, on pense aux saints. Des gens qui sont avec une couronne au-dessus de la tête, puis ils ne font jamais rien de mal. Puis c'est ça qu'on pense dans notre tête. Quand on voit le mot saint, on pense à ça. Mais ce n'est pas tout à fait ça que je pense que Pierre veut dire. Je pense qu'il est en train de dire, il dit, en attendant, hein, vous devez avoir une conduite, une vie chrétienne, qui reflète votre foi. Les autres, ils ne l'attendent pas, le Seigneur. Vous autres, vous l'attendez. Nous, notre conduite est différente, non pas qu'on est des gens qui vivent sans péché, mais qu'on attend la délivrance de ce péché-là, du monde dans lequel nous vivons, qui, lui, est dans le péché, et nous, qui faisons encore des péchés. On attend le jour où ce qui va venir et régler tout ça. C'est là qui fait la différence entre moi et mon voisin. C'est pas que moi, je ne fais pas de péché, puis lui en fait. C'est que moi, j'attends. Des fois, je dis, quand je parle avec les étudiants à l'école, je dis, vous ne réussirez pas à changer le monde. Vous l'améliorez, on ne va pas l'améliorer, le monde dans lequel on vit. Ce monde-là est voué à la destruction. Mais j'attends quelqu'un d'autre qui va venir le changer. Ça, c'est ce que moi j'appelle une conduite sainte, une conduite qui est selon la piété. Dieu ne nous a pas donné la tâche d'améliorer le monde. Mais il nous a donné la tâche de répandre dans le monde l'Évangile. Et que, de dire au monde qu'il y a quelqu'un qui vient bientôt et qui va réparer le monde. Qui va réparer le gâchis qu'on a fait avec le monde qu'il lui a créé. Nous, on ne peut pas le réparer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire tous nos efforts pour vivre sans péché ou de vivre, d'avoir une vie qui s'éloigne du péché. Oui, c'est correct, c'est bien ça. C'est bien, bien, très bien. Mais ici, je crois que ce n'est pas ça qu'il est en train de parler. Il parle de mettre une différence entre ceux des faux prophètes puis les chrétiens. Hein. Il est en train de faire une comparaison entre ces deux groupes-là dans l'épître ici. Et je ne crois pas que les chrétiens à qui Pierre s'adresse avaient des problèmes de moralité, avaient des problèmes de doctrine. Et je vous le répète, je vais vous le répéter jusqu'à temps que je vais être avec vous. Dans les Écritures, c'est des problèmes de doctrine qu'on a, ce n'est pas des problèmes de moralité qu'on a. Problèmes de morale, problèmes moraux sont toujours subséquents à des problèmes doctrinaux. Si j'ai des problèmes doctrinaux, ça va entraîner dans ma vie des problèmes moraux. Et si eux autres ici décideraient que le Seigneur Jésus ne viendrait pas, ça va enclencher un paquet de problèmes dans leur vie, moraux. Un peu comme l'Épître aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient en train d'abandonner la doctrine de la résurrection Et c'est l'Église la plus corrompue, entre guillemets, qu'on a dans le Nouveau Testament. Quand une Église s'éloigne de la vérité, vous allez voir une Église qui va se dégrader moralement. Nous, souvent, nous, vous, moi, on essaye d'enlever les choses immorales de nos vies au lieu de mettre des choses vraies dans nos cœurs. Si on met la vérité dans nos cœurs et dans nos têtes, l'immoralité va sortir. On n'a pas besoin de s'efforcer de sortir de l'immoralité. On a juste à s'efforcer de rentrer la vérité. Et le mensonge va sortir automatiquement. Donc, c'est ça que je crois qu'il est en train de dire ici. Il y a une conduite et une piété qui est sainte, qui est différente de ceux des autres, de ceux qui ne croient pas. C'est ça que je pense qu'il est en train de dire ici dans ce verset-là. Ensuite, il dit, « Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur. » Jour à cause duquel les cieux, on l'a vu tout à l'heure, vont se dissoudre, les éléments vont embraser, ils vont se fondre. Mais il dit, vous autres, ce que vous devez faire, c'est l'attendre. Il dit, vous autres, attendez. C'est votre job. Attendez. C'est pas trop dur, attendre. Ben, moi, c'est pas très fatigant. S'il m'avait dit de faire de quoi, je pourrais trouver, dire, je suis capable de le faire, je vais-tu réussir à le faire? Mais tout ce qu'il me dit, c'est attends. Attends. Et, mais pour attendre notre Seigneur, tout ce qu'on a besoin, c'est la foi. C'est la foi qu'on a besoin. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est la foi. Mais il dit, attendez-le. Il ne vous demande pas de faire de quoi. Il ne vous demande pas de changer le monde. Il ne vous demande pas de transformer le monde. Il vous demande juste d'attendre qu'il arrive. C'est tout ce qu'il veut. Il va dire à différentes places des Écritures, différentes paraboles, des fois, il va dire, le serviteur qui attend son maître, Quand s'il arrive à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans le contexte, là, c'est le retour du Seigneur que ça parle, il dit quand le maître va arriver, s'il le trouve veillant, il va lui faire un party. C'est ce qu'il dit. Et tout ce qu'il te demande, je le demande, c'est juste que tu sois là et que tu m'attendes. Parce que si tu fais comme le mauvais serviteur, tu commences à fêter, puis il ne reviendra pas, puis déjà, t'es au vache, comme on dit en québécois, puis tu commences à faire le party avant que le Seigneur arrive, tu as un problème qui arrive. Tout ce qu'il dit, attendez-le. Attends-le. Là, il dit un autre mot qui c'est pas facile, là. Hâter. Hâter, ça veut dire quoi, ça? Y a-t-il d'autres traductions que le mot hâter dans d'autres Bibles? Verset 12. Hâter, tout le monde a le mot. Tout le monde a des Bibles pareilles. Hein, parce que ça nous paraît un peu spécial quand on dit hâter. C'est comme si on pouvait le faire venir plus vite. OK? Donc, c'est-tu « hâte » dans ce sens-là? « Hâter », parce que là, c'est un verbe d'action. C'est pas un verbe comme... mais je crois que c'est un peu un sentiment plus qu'une action. Parce que je crois pas qu'il tentait de dire... Et le Seigneur avait pris la date du retour, c'était le 25, puis là, vous pouvez le faire arriver le 22. C'est pas tout à fait ça, non plus. Mais vous l'attendez, vous hâtez, vous avez... Ça fait partie de votre vie, de votre quotidien, d'attendre. Quand on attend quelqu'un, on a le nez dans la fenêtre. Moi, le mardi soir, à partir de 7h15, j'ai le nez dans la fenêtre. J'attends que les gens arrivent. Donc, le retour de séance, c'est un peu comme ça. On a un désir, on l'attend, puis on a hâte qu'il arrive. On a hâte. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi hâter l'avènement du jour de Dieu? Dieu va revenir, Jésus revient quand son Église, il va l'avoir toute rassemblée. Il veut-tu comme nous pousser à allez-y, à l'action, aller annoncer l'Évangile pour que non, les crois, élus soient tous. Je ne crois pas que c'était ça. Je pense pas que c'était le but ici de pousser les chrétiens à l'action. Parce que si on dit que c'est ça, ça veut dire comme ça dépend de moi s'il va venir. Ça ne peut pas dépendre de moi s'il va venir. Et je crois personnellement que les élus vont être sauvés, donc je ne peux pas changer ça. Je crois que, oui, le fait que je sais qu'il y a une date limite au retour du Seigneur, oui, ça devrait m'encourager à parler du Seigneur. Mais je ne crois pas que ça va le faire venir plus vite ou moins vite ou dans ce sens-là. Ça ne devrait pas être un sentiment de panique qui me fait bouger, mais non, mais un sentiment d'amour et une compassion pour les gens plus que d'autres choses. Il dit attendez et hâtez. Donc, c'est ça qu'il nous dit de faire. D'abord, il dit avoir une vie sainte, l'attendre, le hâter. Et au verset 15 et 17, il dit restez confiants. Restez confiants. Et là, c'est dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Puis là, on dit, pourtant, il parle à des chrétiens. Mais il dit, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et là, il y a c'est pas des versets qui sont toujours faciles à expliquer. Parce qu'il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que nous, on dit déjà qu'on est sauvés. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire si c'est... Mais continuons à lire au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les Écritures. Et au verset 17, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne deveniez à déchoir de votre fermeté. » Il y a un risque de déchoir. Déchoir, ça veut dire quoi? Tomber. Tomber au côté. Donc, il y a un déchoir de votre fermeté. Donc, nous, en tant que chrétiens, on ne croit pas à la perte du salut. Donc, de quoi qu'il parle ici? On croit que le salut est éternel. Le salut, il nous a offert la vie éternelle, donc c'est éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça aussi aux chrétiens? Parce que je crois qu'il est en train de leur dire, selon ma compréhension, si vous suivez les faux prophètes dans leur croyance, hein, si vous continuez dans cette direction-là et que vous persévérez à croire qu'il n'y a pas de retour du Seigneur et qu'il n'y a pas de fin du monde, vous allez déchoir de votre fermeté. Vous allez déchoir de ce que vous allez proclamer. C'est comme je disais tout à l'heure, si je dis que Jésus ne revient pas, je fais de lui un menteur et ça enlève tout le restant. Tout le restant tombe à l'eau. C'est comme si je disais du jour au lendemain, je crois que Jésus n'est pas Dieu. Tout vient s'écrouler. Tout l'évangile tombe à terre. Il n'y a plus rien qui est vrai. Si je dis qu'il n'y a pas de retour du monde, il n'y a pas de fin du monde, il n'y a pas de retour du Seigneur, automatiquement, tout l'évangile s'écroule. Parce que l'évangile contient le retour du Seigneur. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, puis je suis avec vous autres, que l'Évangile, ce n'est pas seulement que croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'Évangile, c'est beaucoup plus large que ça. L'Évangile contient le retour du Seigneur. Contient le retour du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur a accompli à la croix englobe le fait qu'il revient, mette une fin au péché et qu'il va faire de nouveau une nouvelle terre. Quand il est mort sur la croix, il a gagné ce droit-là de faire ça aussi. Il n'a pas juste sauvé l'être humain, il a sauvé le monde physique aussi. Parce que le monde physique a été maudit aussi, il est entaché par le péché. Donc, par sa mort à la croix, il a gagné le droit de tout purifier tout ça. Donc, si je proclame l'Évangile, je dois proclamer en même temps le retour du Seigneur, la résurrection des morts, je dois proclamer tout ça. Ça fait partie. On ne dit pas ça dans une 15 minutes en personne que je n'ai entendu rien. Bien entendu. Mais dans notre... Vous souvenez? Faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. Tout ce que je vous ai prescrit, tout contient le retour du Seigneur. Je ne peux pas me permettre en tant qu'Église, en tant que croyant, de dire, bon, on n'enseignera plus la fin du monde parce que les gens n'aiment pas ça. On ne peut pas faire ça. Ça fait partie de notre Évangile. Et on croit à l'Évangile dans son entier, ou on n'y croit pas. Je vais vous le répéter. Le chrétien, c'est quelqu'un qui dit toujours oui à ce que le Seigneur dit. Il amène quelque chose de plus, on dit oui. Quelqu'un nous enseigne par rapport à la résurrection des morts, on dit oui. Quelqu'un nous enseigne par rapport au retour du Seigneur, on dit oui. Quelqu'un nous dit que les cieux, les nouveaux cieux, les nouvelles terres vont être faites, on dit oui. Parce que ça vient de Jésus, fait qu'on dit toujours oui. Le jour où ce que je vais dire non au Seigneur Jésus, j'ai un foutu problème qui s'engage. Parce que là, je suis en train de dire que Jésus n'est pas vrai, puis qu'on démontre, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. C'est fini. Il n'y a plus rien qui tient. Parce que c'est, nous, on a réduit l'évangile à, aux quatre lois spirituelles. Repens-toi, crois au Seigneur Jésus, toi, au ciel. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, l'évangile. Pour moi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, puis c'est tout l'ensemble de ce que Jésus a prêché puis a enseigné. C'est pas juste une chose. Donc, notre devoir en tant que chrétien, quand on prêche aux gens qui sont autour de nous, c'est pour ça que je dis des fois, quand on prêche l'évangile, c'est pas toujours de dire que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Il y a un ensemble de choses qu'il faut dire. Quand on parle que Jésus est Dieu, je suis en train de prêcher l'évangile. Quand je suis en train de dire que Jésus est ressuscité des morts, je prêche l'évangile. Quand je dis que Jésus bâtit son église, je prêche l'évangile. Quand je dis qu'il revient sur la terre un jour, je prêche l'évangile. C'est toujours en train de prêcher l'évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Romains, qui est une église qui était très bien fondée, qui fonctionnait bien, il dit, j'ai hâte d'être parmi vous et de vous annoncer l'évangile. Il parle à des chrétiens. Parce que l'évangile, pour Paul, c'était beaucoup plus grand que juste croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ici, je crois qu'il dit, croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ, donc cette, ce temps qu'il laisse pour bâtir l'église, qui fait partie de son évangile, qui fait partie de cela, et qui va revenir un jour pour nous, venir nous chercher, nous ressusciter des morts si on est mort, et nous transformer si on n'est pas mort, ça fait, soyez conscients que tout cela, ça fait partie de son plan. Si vous reniez cette partie-là, cette valeur, vous allez déchoir de votre fermeté. Vous allez déchoir de ce que vous avez proclamé. Et vous tombez à terre. Si on déchoir, moi le mot déchoir, c'est tomber en bas de son perchoir. Pas une poule, elle tombe en bas du perchoir. c'est ça que ça veut dire dans ma tête. C'est, je suis à une place, puis je tombe en bas. Puis vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui ont proclamé la foi et qui, avec le temps, avec les mois, les années, vont déchoir pour toutes sortes de raisons. C'est pas qu'ils perdent, c'est qu'ils déchoient. Ils finissent par dire non. À pour une raison quelconque, ils disent non à Dieu. Attention, je parle peut-être de visiter de quelqu'un qui a de la misère dans sa vie chrétienne. Je parle de quelqu'un qui finit par dire non. Ce que Jésus a dit, c'est pas vrai. C'est là que c'est ça que je parle ici. Puis ici, c'est ça qui est ta question. Là. Des gens qui ont des faux prophètes, des faux docteurs qui viennent et qui disent le retour du Seigneur, ça n'existe pas. Il ne viendra pas. C'est pas vrai. Ce qu'il a dit, ça n'arrivera pas. Il n'y en a pas de fin du monde. Et Pierre, si vous allez dans cette direction-là, vous êtes fait à l'os. Vous êtes fait à l'os. Donc, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Donc, il dit, restez confiants. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qu'ils pouvaient entendre, malgré toutes les comètes qui peuvent passer dans le ciel, toutes les bombes atomiques qu'il peut avoir, parce que des fois, il nous dit qu'il y a assez de bombes atomiques qui font sauter la planète 10 fois, ça ne me dérange pas. Des trous dans la couche d'ozone, emmenez-en, ça ne me change rien. Pour moi, ce n'est pas important par rapport à la fin du monde. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire attention à ce qu'on fait dans notre société, mais ce n'est pas ça qui va amener la fin du monde. Ça peut tuer du monde, mais ça n'amènera pas la fin du monde. OK, la fin du monde... Quand? Puis la Bible nous dit dans l'Apocalypse comment il va le faire en grande partie. Mais ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va le faire. L'homme n'a pas ce pouvoir-là de mettre une fin à ce que Dieu a créé. C'est pour ça que je disais à mon prof il n'y a pas tellement longtemps, vous n'avez pas, l'être humain n'a pas la capacité de détruire ce que Dieu a créé. Il n'a pas la capacité de faire ça. On essaie, on brise, mais Dieu... Je parlais de ça avec un prof, pas longtemps. Là. Je disais, c'est impressionnant de voir comment Dieu a créé le monde d'une façon telle que le monde se régénère tout le temps, continuellement. Il se refait. Il passe un feu à quelque part, puis il détruit tout. Tu vois, il va 50 ans après, c'est une belle grosse verdure, une forêt encore une fois. Ça commence, ça continue. C'est un monde que Dieu a créé. Puis lui va mettre une fin à ça d'une façon miraculeuse, d'une façon toute puissante. Et il va venir, puis lui, il va arrêter ce qu'il a fait. Et c'est le seul qui a le pouvoir de faire ça. Donc, ça met une fin à notre étude. Il dit, faites attention de ne pas être égaré par ces gens-là. Et c'est très... surtout la génération de la science, là, tous ceux qui ont été élevés avec le Dieu de la science, qui amène toutes sortes de données, puis les jeunes, les plus jeunes qui sont beaucoup axés là-dessus, vont dire, mais la science a dit ça, la science a montré ça, la science nous montre que c'est comme ça. Et faisons attention de ne pas se faire égarer mais de bien s'attacher aux Écritures et à l'enseignement du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur a dit ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Rester attaché. Donc, l'ensemble de l'épître, la deuxième épître de Pierre, nous encourageait à quoi? Ceux qui étaient ici depuis le commencement, nous encourage à la connaissance. À acquérir de la connaissance. Regardez, Pierre finit avec ça. Hein? Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. On a vu que tout au long de la deuxième épître, Pierre, ce qu'il leur dit, augmentez votre connaissance. Augmentez votre connaissance. Si vous aviez la connaissance un peu plus grande, vous auriez mis dehors ces faux prophètes-là, à ben avant que je vous parle. Si vous aviez eu la connaissance, vous n'auriez pas eu besoin que je vous écrive, vous les auriez mis dehors. Donc, il dit, augmentez votre connaissance, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ça va vous maintenir dans la foi. Ça va nous aider dans toutes sortes de domaines qu'on a vus ensemble depuis qu'on a commencé à étudier l'Épître. Donc, cette connaissance-là, il faut l'acquérir. Et chacun de nous, on va avoir des méthodes différentes pour l'acquérir, des moyens différents pour l'acquérir. Selon nos personnalités, selon nos quotients intellectuels, selon nos dons, nos talents, nos capacités. On va avoir des capacités différentes. Et il faut juste dire, ce que moi, ce qui m'intéresse de savoir dans ma vie puis dans la vie des croyants, c'est je veux connaître plus. Je veux connaître plus. Maintenant, trouve-toi un moyen pour mieux connaître. Ça peut être, il y a des milliers de façons d'apprendre aujourd'hui. Des milliers de façons d'apprendre. Mais il faut que j'apprenne que ce soit dans les Écritures d'une façon quelconque. Ça peut être par un livre, ça peut être en la lisant la Bible moi-même, ça peut être écouter un CD, ça peut être en chantant un cantique, ça peut être en parlant avec des vieux frères, avec des sœurs plus âgées dans la foi. Et je vous l'ai dit, hein, selon ma compréhension, les chrétiens, 80 à 90% de ce qu'ils savent dans la foi, ils l'ont entendu d'un autre chrétien. Ce n'est pas en lisant la Bible qu'ils l'ont appris. C'est en parlant avec d'autres chrétiens qui sont plus vieux dans la foi, qui vont les interroger, qui vont parler avec eux autres, des pasteurs qui vont enseigner. C'est comme ça qu'ils vont acquérir la plupart du temps leur foi. Un peu comme les enfants. On ne leur donne pas un livre pour qu'ils apprennent. On vit avec eux autres pendant 18 ans. Et ils apprennent la vie. La vie chrétienne, c'est comme ça. C'est pour ça que dans l'Église, c'est important que dans nos rapports mutuels, on partage notre connaissance des gens. Et je vous dis ça parce que, vous savez, des Bibles dans nos maisons, c'est nouveau par rapport aux 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est nouveau. Ça fait peut-être 100 ans que les chrétiens ont des Bibles dans les maisons. Avant ça, il y en avait une par église. Quand ils l'avaient toutes, ils étaient bien heureux. Il n'y en avait pas. Donc, ils ne pouvaient pas dire, je vais lire ma Bible tous les matins. Il n'y en avait pas. Quand il y en avait un petit bout, quand le pasteur en disait un petit bout, il essayait de l'apprendre par cœur. Mais il n'y en avait pas. Et c'est juste depuis que c'est devenu très facile à avoir, l'imprimerie a sorti à grande échelle, c'est devenu pas cher, parce que jusqu'à l'imprimerie au 12-13e siècle, il y avait des Bibles, une c'était là, comme dans le temps de Jésus. Synagogue, avec quelques rouleaux, et c'est tout. C'est il n'y avait pas d'autre. Et c'est pour ça que les jeunes juifs allaient à la synagogue pour apprendre les choses de l'Ancien Testament. Et dans l'Église, il y avait les chrétiens qui avaient des bouts de Bible, mais des Bibles chacun, puis une grande majorité de la population ne savait pas lire, en plus. Martin Luther, qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est converti? Il a traduit la Bible en allemand. Elle était en latin. Elle était en grec ou en hébreu, mais je pense qu'il a traduit du latin. Non, il a traduit du grec ou de l'hébreu. Je pense que quand il a fait la Bible, il a traduit en hébreu et grec. Il l'a mis en allemand, espérant que les gens du peuple, ceux qui savaient lire, pourraient la lire, en avoir. Et donc, pour nous autres, mais ça n'empêche pas que les chrétiens de ce temps-là ont augmenté leur connaissance quand même, en parlant avec les autres, en jasant avec les chrétiens, en assistant à des petites réunions pour parler, jaser entre eux autres de ce que Jésus avait enseigné. Et je crois que c'était comme ça. Et en théologie, on apprend ça, on appelle ça la tradition orale. La tradition orale, c'est-à-dire que dans les premières générations d'Église, la Bible s'est transmise d'une façon orale, parce qu'il n'y avait pas de Bible partout. Juste les riches qui en avaient, ou à peu près des gens qui étaient capables de s'en payer. Mais les autres n'en avaient pas. Ils se fiaient plutôt à aller à la synagogue parler avec les rabbins qui étaient là. Donc, mais aujourd'hui, on a accès, ceux qui le veulent, à des Bibles. On en a des pochetés chez nous, ceux qui en veulent. On en a plus qu'on en peut en lire souvent. Et là, maintenant, elle est accessible partout sur des CD, sur des DVD, sur Internet, partout. Il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu dans le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Mais pour moi, l'important, ce n'est pas de la lire comme d'apprendre à connaître. Si ma façon de connaître, c'est en parlant avec d'autres, c'est correct. C'est correct. Si c'est en écoutant un DVD, c'est correct. Si c'est en lisant un livre de quelqu'un qui parle de la Bible, c'est correct. Mais ce qui n'est pas correct, c'est de ne pas vouloir augmenter notre connaissance. Ça, c'est pas correct. L'absolu, c'est de connaître. Comment je vais apprendre à connaître, ça, c'est pas un absolu. Ça va s'adapter à qui je suis, dans quel monde que je vis. Je vis-tu en Afrique, je vis-tu au Québec, je vis-tu, c'est où que je vis. Ça va dépendre de ça. Mais les chrétiens veulent connaître. Si tu ne veux pas connaître Dieu, moi, je dirais, pose-toi la question à savoir si tu es chrétien ou pas. Si tu ne veux pas connaître Dieu. Mais je crois que le chrétien veut connaître Dieu. Il désire connaître Jésus-Christ. Et 17, Jean chapitre 17, verset 3, qui dit quoi? Qui sait par cœur? Jean 17, verset 3. L'évangile ou les épîtres? Les épîtres n'ont pas 17 chapitres. Les évangiles. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, dit quoi? La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus, celui que tu as envoyé. Donc, si je ne veux pas connaître, si je ne veux pas aller dans cette relation-là avec Dieu, ça met en cause un peu la vie éternelle que j'ai. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître quelqu'un. Donc, si je ne veux pas le connaître, j'ai un problème. Et je me souviens d'avoir parlé avec un homme à qui je faisais du vélo. Puis, il dit, « Oh, François, il dit, tout le monde va aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel, mais comment? » Et j'avais dit, « Pourquoi est-ce que tu voudrais aller au ciel? » Quand, sur la terre, tu as la possibilité de parler avec Dieu, mais ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas de parler à Dieu. Tu peux lui parler maintenant, là? Il dit, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi maintenant tu voudrais passer l'éternité avec lui? Ça n'a pas de sens, dans ma tête, ça ne fait pas de sens. Tu as la possibilité maintenant d'y parler, parce que le ciel, pour lui, c'était pas une personne. Le ciel, c'était un endroit. C'était un endroit où il n'y avait pas de problème, puis pas de maladie, puis tout ce que tu veux tout ce que tu veux, tu l'as. C'est ça pour lui, le ciel. Mais j'ai une surprise pour toi, je dis, c'est pas ça. Le ciel, c'est une personne. C'est la personne de Dieu. Il dit, si ça ne t'intéresse pas d'être avec Dieu, maintenant, tu ne seras pas avec lui pour l'éternité, ça c'est sûr. Mais il dit, c'est logique, François. Pas tout à fait d'accord, mais c'est logique ce que tu dis. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Hein? Donc, si elle peut nous aider à connaître toujours mieux notre Dieu. Nous allons terminer dans la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, merci. Merci de que tu nous as laissé ces vérités par l'apôtre Pierre. Ces vérités qui nous parlent de ce grand jour que nous attendons tous. Ah Seigneur, des fois on est préoccupé par toutes sortes de choses, mais le croyant est toujours ramené à la réalité par l'Esprit Saint qui est en lui, qui nous fait toujours réaliser, hey, il y a quelque chose de plus important que ta maison, que ton char, que ta job, que ta santé, quelque chose de plus que ça. Et c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est juste parce que ton Esprit Saint vient en nous. Et c'est cet Esprit Saint-là qui nous montre, qui nous conduit, qui nous convainc. Et Seigneur, garde toujours cette grande vérité dans notre cœur. Quand nous prenons des décisions dans nos vies, qu'on s'arrête pour y penser, quel impact ça a pour nous. Et est-ce que le fait que je sais qu'un jour je vais partir d'ici, ou que Jésus va revenir, ça a un impact sur mes décisions de chaque jour. Et aide-nous, Seigneur, à s'arrêter, à penser, à réfléchir. Et Seigneur, fais qu'on soit des gens qui vont dans une société qui ne veut pas croire que ce monde a une fin, qu'on puisse être des lumières pour eux, qu'on puisse être de ceux qui vont proclamer la vérité. qui vont dire avec amour, avec compassion, avec miséricorde, il y a une fin à ce monde. Et ceux qui vont se repentir et qui vont croire vont éviter la destruction. Ils ne seront pas détruits avec ce monde, mais sont destinés pour être avec Dieu pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur Dieu, à partager cela avec le monde qui nous entoure. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Est-ce qu'on a des...